Bonsoir Michel, bonsoir Olivier. Bonsoir Landry. Bonsoir Landry. Comment allez-vous? Très bien. Alors, bien, bien, Michel. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Landry. Tristan est en régie. Bonsoir Charlotte. Ah, Charlotte. Bonsoir, bonsoir Michel, bonsoir Olivier. Bonsoir Charlotte. Comment allez-vous ce soir? Bien. Ouais, vous... super. Très bien, Michel. Très bien, très super. C'est super sympa d'être ici ce soir. D'être avec... là, tous vous les quatre. Vous êtes venu nous annoncer une bonne nouvelle? Ouais, ça y est, le petit est arrivé. Le petit est arrivé. Ouais, le petit est arrivé. Il y a deux papas? Il y a deux papas, c'est un petit peu particulier, c'est, on aurait pu appeler ça un Pax, mais c'est pas ça, c'est un CD. C'est un CD. Ouais. Et pas une simulation artificielle. Et voilà, c'est un CD qui s'appelle La La La. Voilà, j'étais venu en parler un petit peu du projet il y a quelques temps. Ouais, il y a quelques mois, oui, on était venu, on avait commencé à divulguer quelques petites informations. Bon, le CD est là, il est terminé. Alors pour nous, c'est super, c'est extraordinaire parce que c'est notre disque, c'est l'aboutissement d'un travail de, on va dire, de 3 années création de spectacle et puis de plus particulièrement une année en 2007 où on a passé presque une année en studio de travail, de création, d'enregistrement. Et on a terminé ce disque qui est l'aboutissement de notre travail. Il y a deux avec Olivier. Mmh. Olivier est pianiste. Mmh. Voilà. Pianiste. De toutes les situations. Oui, Charles peut confirmer. Il aurait été au téléphone, il aurait confirmé. Ouais. Vraiment. Ouais. Ah oui. Et Charles, Michel, ouais. Tu es chanteur. Oui, je chante dans le duo qui s'appelle La La La. C'est un duo pour piano et voix. Et donc je suis le chanteur et Olivier est l'instrumentiste. Et un petit peu de guitare, tu joues un peu de guitare? Un peu de guitare occasionnellement une ou deux chansons. Quel guitariste. On en met une pour se rendre compte un petit peu. Ouais, on en met une, alors tout à fait d'accord. La première. Alors quelle couleur? Alors on va celle qui présente au concert. Une. Ah, oui. Un petit blanc. Deux petits blancs s'il vous plaît. Un petit blanc, Olivier? Un petit blanc. Allez, ça fera... soi-même en toutes circonstances. C'est sympa, c'est sympa. ça tombe bien, je suis chanteur, bon chanteur, teur, teur, teur, et en plus, vous êtes bon, bon public, alors là, pas de raison, s'arrêter c'est une chance de tomber sur des gens comme vous devant moi qui y croient. Ça me permet de sortir de la routine. Et ça, je voudrais remercier tous ceux qui applaudissent, 10, 10, 10, 10, 10 sur 10, bravo, 10 sur 10, super, 10 sur 10, c'est très chouette de leur part, ça fait chaud au moral de sentir du soutien, jusque là c'est nickel, tout va bien, vous écoutez encore Indésis sur Radio Mon País, façon France Culture maintenant. Alors, Michel, Olivier. Bonsoir. Accepteriez-vous de nous raconter comment vous êtes rencontrés? C'est toujours intéressant de que les artistes nous parlent de leurs rencontres. Ouais. peut-être mon compère, Olivier. Nebout. Michel Stenner, vous avez cherché un pianiste pour accompagner une jeune chanteuse qui se lançait, que vous faisiez travailler. Absolument. Et vous êtes venu me voir à un concert. Vous chantâtes à un concert à la Cave Poésie, pour ne nommer qu'elle, et vous accompagnâtes deux charmantes créatures féminines. Tout à fait. Et vous jouâtes fort bien du piano ce soir-là. J'en doute pas. Et vous fûtes d'une suprême habileté pianistique, et j'accrochais à votre jeu, à votre technique musicale, et ce souvenir perdure encore, et loin de chercher un pianiste ce soir-là, c'est un ami que je rencontrais véritablement. C'est vrai, et je n'avais Dieu que pour vous. C'est très beau. C'est un beau témoignage. Et du coup, en fait, je n'ai pas accompagné la dite chanteuse. Pour Monsieur Steiner. Pour Monsieur Steiner. Pour Milkshake Steiner. Le hasard fait-il bien les choses, parfois? Écoutez, comme disait Sigmund Ostrutz, le hasard fait bien les choses, mais les choses ne font-elles pas bien le hasard? Ça laisse à réfléchir. Oui. Oui. Réfléchissons ensemble. Écoutez, nous allons passer à autre chose. Je vais vous proposer d'écouter un extrait de Mort à Venise. Donc je vous propose ça, ensuite vous partagerez vos pensées, vous développerez vos idées là-dessus. Oui, loin de dépenser nos partages, nous partagerons nos pensées. Voilà, merci. Prétendrais-tu que le génie d'un artiste soit incapable de la créer? Oui, c'est très précisément ce que je prétends. Alors, selon toi, notre travail d'artiste... Travail, le mot est lâché. Crois-tu sincèrement que la beauté puisse être le fruit d'un travail? Oui, je le crois. La beauté naît d'un éclair, spontanément. Elle ne doit rien à ton travail, ni au mien. Elle ne doit rien à notre présomption d'artiste. Ta grande erreur, mon cher, est de considérer la vie, la réalité, comme une limitation. Mais n'en est-il pas ainsi? La réalité nous distrait et nous détourne de l'idéal. Non, mon cher, mille fois non. la beauté appartient au domaine des sens. Rien qu'aux sens. Nos sens n'obtiennent jusqu'à l'esprit. Ça, non. C'est seulement par une complète domination des sens que l'artiste a quelque chance d'accéder à la vérité, à la sagesse, à la dignité humaine. Dignité humaine, sagesse, oui. Mais à quoi cela sert-il? Le génie est un don de Dieu. Je devrais plutôt dire une punition de Dieu. C'est un embrasement morbide, démoniaque de nos dons naturels. Je refuse, je rejette l'épithète démoniaque appliquée à l'art. Et tu as tort. Le mal est une nécessité. C'est lui qui attise le feu du vrai génie. Vois-tu, Alfred, l'art est la source la plus noble d'éducation. Et l'artiste lui-même se doit d'être exemplaire. Il doit être un modèle de force, de parfaite honnêteté. Il n'a pas droit à l'ambiguïté. Mais l'art, par essence, est ambiguïté. Et la musique est de tous les arts le plus ambigu. Elle est l'ambiguïté systématique, scientifique. Tu vas voir. Écoute cet accord. Et cet autre. Tu les interprètes au gré de ta fantaisie. Tu as devant toi une série infinie de combinaisons mathématiques, imprévisibles et inépuisables. Tu entends ça? La reconnais-tu? Ça suffit, ça c'est suffit. C'est ta musique, elle est de toi! De retour à l'antenne. Je suppose que ça ne vous a pas laissé indifférent. Même si vous avez déjà vu le film. Et lu le livre. Oui, juste l'extrait comme ça, mis à part. Plutôt vu le film, pour ce qui me concerne. Plutôt vu le film, oui, effectivement. Mais c'est une... Bon, effectivement, c'est une réflexion très juste sur la création, sur l'énergie de la création, voilà. Une énergie indifférenciée qui ne fait pas la part entre la lumière, les ténèbres, le bien, le mal. C'est une énergie indifférenciée dans laquelle il faut se jeter, et puis à chacun de faire son tri, à chacun de faire d'en tirer ses leçons et ses expériences, quoi. Il faut tout vivre, il faut essayer de tout vivre du début à la fin. Excuse-moi de vous interrompre, mais le hasard dont nous parlions tout à l'heure, n'est-il pas une façon de ranger le chaos que de percevoir ce hasard comme bénéfique? Maintenant, nous sommes sur Indésis façon Skyrock. Ouais. Enfin, on va essayer. Salut. Ouais, salut Michel. Olivier. Salut les gars. Vous avez parlé de votre dernier album. Charlotte. Charlotte qui fait la gueule tous les soirs. Mais non, elle aime pas être là. Elle est rigolote. C'est toi, Charlotte. Ça rime, putain. Arrête de faire des rimes, Charlotte, elle est rigolote. Non, attends, j'ai un message de Morgane du 43, elle me dit « Putain, Michel, j'adore ta voix, elle est trop sensuelle. » J'ai un message de Philippe, il me dit « Les gars, vous êtes au top. » J'ai un message de Mickaël du 6-9, Rhône, dans le Rhône, il me fait « Putain, Olivier, t'es un pianiste, tu défonces grave, tu déchires ta race, je te kiffe à donf. » Alors ? Eh ben alors, on fait comme on peut, quoi. Ça va, les concerts, les tournées, ça va commencer, vous en êtes où? Écoute, les concerts... Vous avez démarché un petit peu, vous savez où vous allez? Les concerts, c'est pas encore ça, parce que bon, si tu veux, on sort quand même d'une période de création, on a passé un an en studio, pas non-stop évidemment. Ouais. Bon, il faut savoir que c'est un métier artiste, intermittent du spectacle, c'est un métier... Ouais. Dans lequel on est obligé de faire beaucoup ouais, de... Ouais, on galère. On galère, bon, le mot est pas forcément juste, si tu c'est veux. C'est la dèche grave, quoi. Ça peut être la dèche grave des fois, si tu veux, mais quand même, faut pas perdre de vue que n'importe quel métier a sa part, a son tribut de difficultés, d'expérience. C'est pas dû uniquement aux intermittents, aux artistes. Mais quand même, excusez-moi, Michel, je dois quand même dire que... c'est trop difficile, en fait. Non, voilà, mais, nous, notre métier, c'est de donner. On donne, on a envie de donner, c'est vrai, Michel. On donne. On donne du plaisir. On est là pour ça, on est là pour être à la portée des gens, pour comme on se le disait tout à l'heure, on avance. On avance vers les gens et ils avancent vers nous. On va leur proposer des choses et ils vont les prendre à bras le corps. La difficulté de l'intermittence du spectacle, elle est quand même beaucoup due à une problématique politique qui nous sabre systématiquement. Je sais pas ce que t'en penses, Michel. Enfin, si, je sais. Mais ce que j'en pense, c'est qu'il faut qu'on vende notre spectacle. Le fait est, c'est qu'on a un spectacle. Peut-être, on va essayer de. Pour être moins décousu, si tant est qu'on soit décousu, hein. Je veux dire, de France Culture à Skyrock, il n'y a pas loin. Donc, pour être moins décousu, quand on parle du disque, du CD La La La qu'on est en train de sortir, mm-hmm. et juste pour rajouter au passage qu'on va chanter sur scène le samedi 22 mars à La Mounède. La Mounède, c'est un café musical, restaurant, qui a lieu pas loin de la route de Saint-Simon. C'est là, en général, que se passe tous les ans la fête de l'humanité. Et donc on va chanter dans ce lieu notre spectacle avec Olivier et le disque qu'on est en train de sortir là, qu'on sort maintenant, là, d'ici une semaine, relate toutes les chansons du spectacle. Voilà. Et ce spectacle-là, c'est un petit peu une tranche de notre vie, de notre rencontre à Olivier et moi, qui dure 1h40 à peu près. Et il y a eu à peu près 16 ou 17 chansons oui. qui sont mises en scène. Et... Donc elles se suivent, elles ont un ordre bien établi. Ouais, il y a une histoire. Il y a une histoire, et une histoire qui est très personnelle, qui est venue comme ça, au gré des chansons, puisque les chansons existaient, qu'on les a agencées un petit peu en fonction de notre envie du moment. On a travaillé avec une comédienne, metteur en scène toulousaine qui s'appelle Cécile Jacquemet, et qui a fait la mise en scène donc, du spectacle avec nous il y a deux ans et demi. Et voilà, donc ce disque est totalement lié au spectacle, et le 22 mars à La Mounède, ce sera à la fois la fête de la sortie du disque, et puis aussi une nouvelle occasion de jouer le spectacle, et puis d'espérer aussi toucher beaucoup de monde. Voilà. Toi Olivier, tu travailles en parallèle avec différentes personnes, il y a Plume d'Ange. Oui, je travaille... J'ai une activité pédagogique, je suis professeur de piano, je travaille avec des compagnies de théâtre parce que j'adore justement le rapport au public qui est proposé par les comédiens de manière complètement différente que par les musiciens qui sont, les musiciens j'ai l'impression sont beaucoup plus introvertis, plus dans leur monde et les comédiens ont un rapport avec le public qui fait exister vraiment le public. C'est ce qu'on a envie de faire avec Michel dans notre spectacle d'ailleurs. On a travaillé, comme il l'a dit tout à l'heure, pendant une année. C'est vrai, on se voyait un petit peu une à deux fois par semaine et le spectacle a existé comme ça. Donc c'est beaucoup de travail. Après, on a fait ce disque, ça nous a pris aussi beaucoup de temps parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on a, comme tu le disais, il faut qu'on travaille. Donc, je suis prof de piano, je travaille avec d'autres groupes, d'autres projets, effectivement. Oui. Je fais un spectacle avec un chanteur qui est un hommage à Claude Nougaro, qui va être mis en scène. Le spectacle s'appelle Plume d'Ange, et le chanteur Jérôme Donatien. Et je travaille aussi avec d'autres musiciens, d'autres comédiens. Donc le théâtre Compagnie Monsieur Cripou. Ça, c'est une compagnie que j'ai créée avec des comédiens qui sortaient du Théâtre du Jour à Agen. Donc c'est le théâtre qui est mené par Pierre Debauche, qui enseigne un théâtre de façon extraordinaire. C'est-à-dire que les comédiens jouent pendant qu'ils sont en formation et ils jouent énormément. Et donc voilà notre objectif, je pense à Michel et à moi, c'est de donner quelque chose aux gens, peut-être qu'à des moments on a envie de les faire rire, de les faire sourire, de les faire pleurer, c'est un petit peu tout ça quoi, notre vie artistique. Ouais, c'est vraiment intéressant, c'est tout le second degré qui se dégage de la En fait, ce qui est très rigolo pour nous, c'est on a essayé d'expliquer un petit peu ce qu'on avait envie de faire, de se l'expliquer, de se le dire. On n'y est jamais vraiment parvenu. C'est pas qu'on n'y est pas parvenu, c'est qu'en fait, ça génère beaucoup de sentiments, beaucoup d'idées. Oui, enfin, Ouais, c'est vrai que des fois on essaie de s'expliquer ce qu'on fait, et comme tu dis, il y a du second degré, mais en fait on est. Mais en même temps, il est très sincère. Vous êtes sincère et à la fois. Voilà, c'est exactement ça. C'est la sincérité, la simplicité, enfin, qui permet de se faire une idée à chaque fois différente de ce qu'on est en train de montrer. Je suis pas très clair. C'est un peu du clown musical, clown musical quoi. C'est un peu, tu vois, on est un peu dans une ambiance cabaret, dans ce qu'on fait. Il y a une espèce de représentation souvent décalée. Il y a un traitement parfois des chansons souvent décalées. Les textes bon sont personnels, particuliers à moi et à Olivier un petit peu, les quelques textes. On a un peu composé ensemble, écrit ensemble, mais la plupart des chansons bon, viennent plutôt de ma composition, on va dire. Et bon, c'est un peu. L'esprit est un peu décalé. Effectivement, il y a du second degré, comme tu dis. Nous, on s'en rend plus compte, parce que comme tu dis, on est spontané, on est direct, on est sincère. On le fait pas en second degré. Nous, on le fait pas en second degré. On le fait sincèrement, comme tu le disais. Et c'est ça qui est intéressant. Le second degré, c'est après. C'est stigeux, je me prends pas au sérieux. Non, mais c'est ça. Si, on est très. Comment dire, tu parles peut-être d'interprétation. Les couches différentes d'interprétation, là, d'ailleurs, elles sont multiples. Et effectivement, c'est ça qui intéresse. Voilà. Que chacun va prendre ce qu'il en a. C'est vraiment condensé, quoi. Ouais, c'est très fourni. Très condensé. Ouais, moi ça me fait plaisir parce que en ce moment il y a des gens qui écoutent notre disque, qui que ce soit d'ailleurs, que ce soit des gens du public, des anonymes ou bien des gens qu'on connaît, des amis ou des élèves ou des choristes de la famille ou même des musiciens, des amis musiciens qui étaient sur le disque et qui nous disent qu'il y a un monde particulier, qu'il y a beaucoup de surprises. Voilà, ils sont touchés par le fait que il y a beaucoup de surprises dans nos morceaux, dans nos chansons. Il y a des choses qui sortent, on s'y attend pas. Bon, pour moi, c'est important, c'est une marque de fabrique un petit peu que d'être dans la surprise, que d'être dans la nouveauté, le renouveau musical, rythmique, harmonique, même au niveau du texte. Voilà. Je suis pas un chanteur à texte entre guillemets. Je revendique pas une écriture particulière. J'ai un style. C'est pas un style classique, ça s'apparente, je sais pas à qui ça pourrait s'apparenter, mais en tout cas c'est des choses personnelles que je défends. Quand vous créez ensemble, quand vous créez seul, vous rendez compte si vous avez la même façon de procéder ou pas? C'est surtout le fait de faire ensemble qui nous a... qui nous fait qu'on a créé ensemble. Enfin, on a créé ensemble, on a des manières complètement différentes de créer. Mais en tout cas, quand on était ensemble, c'était... On aurait pu faire 10 heures de spectacle. Enfin, mais, oui, on est parti comme on était. Oui. On était parti vraiment sur... À chaque rencontre, il y avait quelque chose de nouveau. Quoi. C'était... Ouais. C'était chaque fois qu'on travaillait ensemble, c'était... ça partait dans tous les sens. Et il a fallu, à un moment donné, qu'on se canalise et qu'on gère notre folie créatrice. J'appelais ça, je disais à Michel, t'as réveillé en moi le démon de la création. C'était tous les jours. Ouais, c'était à fond. Incroyable. Mais c'est bon, c'est énorme, c'est exact, c'est ce qui nous nourrit. On passerait notre vie là-dedans, si tu veux. Comme disait tout à l'heure le texte de Mort à Venise, comme il disait, quoi, on ne peut pas faire l'économie de l'énergie, du mal, de quoi que ce soit. On ne peut pas faire l'économie de ça. On s'y jette, comme Oscar Wilde le disait, quoi. La meilleure façon de résister à la tentation, c'est d'y céder, quoi. Il faut plonger dans les choses, plonger dans la créativité, dans la création. Et nous, s'il n'avait pas fallu produire un spectacle fini et le présenter au public, on y serait encore, quoi. On serait encore en train de continuer à batifoler, à patauger. Bon, bah, il a fallu faire un produit fini, donc on est sorti un peu de tout ça, quoi. On a quelqu'un au téléphone. Oh. Charles ? Allô ? Allô ? Bonjour. Bonsoir. Tu vas bien ? Mais ça va et toi-même ? Bienvenue. Ouais, ça va, ouais. Bonsoir. Et on se croirait dans... À la cité de la peur. Voilà. Bon, est-ce que les invités m'entendent ou pas ? Oui, très bien. Ah, fort bien. Eh ben, bonsoir Michel. Eh ben, il va bien, Charlie ? Ah ben, ça va tranquille. Je vais être avec vous ce soir, mais j'ai pas pu venir, donc... Mais c'est pas grave, t'es là quand même. Mais oui, je suis avec vous par le cœur. Bon, super. Bon, et Olivier est là aussi ? Ça va ? Eh bien, bonsoir Olivier. Salut. Eh bien écoutez, je vais vous écouter discuter et puis je vais m'incruster à votre conversation au fur et à mesure. Oh génial. De la soirée. Génial, super. Je vous propose une petite bière. Oui. Ah écoute, volontiers. Tout à l'heure on a pris un petit blanc. Je vais en décapsuler une et puis... Ah c'est un blanc style blanc à Charlotte. Ah oui, blanc. Oui. Non, pas cette fois-ci. Un blanc à Charlotte. Elle en a pris un avec nous mais c'était pas son. Il est bon celui-là. Un blanc de 1935 qu'elle nous a apporté l'autre fois. C'était énorme. Mais je vais vous laisser continuer à discuter d'Oscar Wilde alors. C'est gentil, merci. Ah ouais, tu vois. Ah, salut Charlotte. Salut. Et oui, on n'entendait pas là. Et oui, je n'entendais pas beaucoup. Mais tout le monde, putain, tout le monde est équipé ce soir. Ouais, on a fait des achats. On a fait des efforts. On écoutait un petit peu un petit extrait de l'album. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait écouter maintenant, histoire de changer. Alors on va aller dans un horizon un peu baroque. Mm. On n'en dit pas plus, quoi. D'accord. Voilà. C'est très on bien laisse bien. Les gens apprécier, quoi. Alors, vous n'étiez pas que deux pour préparer cet album? Oh que non. Oh que non. Il y a du monde. On a fait appel aux meilleurs musiciens toulousains. Du moment. Et même d'avant et un peu d'après. Ouais, ouais, ouais. Ce disque, ouais. il a été enregistré avec aux commandes musicales, on va dire, aux arrangements et à la direction de l'enregistrement et des séances, bah, Olivier Nebout, mm-hmm. qui est un pianiste hors pair. C'est moi. Hors pair de main. Et donc Olivier, bon, à la direction de ce travail de studio, il faut savoir qu'en rentrant en studio, on avait l'idée qu'on allait enregistrer les morceaux. Par contre, les morceaux finalisés, on ne savait pas à quoi ça allait ressembler. Parfois, on arrive avec une idée très précise. Nous, on arrivait avec les thèmes piano, voix, guitare. Mm, mm, mm. Et on a voulu faire intervenir dans cette histoire un bassiste, qui est Jackie Grandjean. Oui, qui joue avec Serge Lopez. Serge Lopez Trio. Mm-hmm. On a fait intervenir Laurent Planels, qui est un batteur, un jeune batteur excellent, un ami d'Olivier. Mm-hmm. Voilà. On a fait intervenir un excellent guitariste toulousain qui s'appelle Damien Allard. Voilà pour les parties, on va dire, pour les parties les plus importantes, les trois personnes qui nous ont vraiment secondé sur les morceaux. Après, il y a eu des gens comme Sandrine Flavini et David Galasso qui sont intervenus sur un morceau violon et clarinette. Donc, un morceau, une balade. Sur lequel, le morceau? Sur Lune. Lune, ah, voilà, oui, Lune. Qu'on a entendu il y a quelque temps, ici. Ouais, qu'on a entendu il y a quelque temps, c'est vrai. Ouais. On l'avait passé. Mm-hmm. Et puis, ensuite, il y a des choristes, des amis chanteurs, professionnels et amateurs, d'ailleurs, très variables, qui sont venus se prêter à la chanson La La La qu'on a entendue en début d'émission, avec tous les chœurs. Alors, il y avait effectivement... Alors il y a une voix d'enfant aussi dans le disque, oui, il y a une voix d'enfant qui s'appelle Jérémy, voilà, qui a prêté sa voix pour quelques petites phrases anecdotiques comme ça à certains passages du disque pour ponctuer un petit peu certaines chansons. Et puis donc, on remercie extrêmement chaleureusement Cécile Léoger, chanteuse toulousaine qui est venue faire des voix. Peter Penon, chanteur toulousain qui est venu faire des voix. Lydie Arbogast, chanteuse toulousaine qui est venue faire des voix aussi. Marlène Bougnor, chanteuse toulousaine qui est venue faire des chœurs. Et Stéphane Tavitian, ami et chanteur et graphiste aussi. C'est lui qui a fait toute la maquette du disque, qui est venu aussi prêter sa voix au disque. Dis-moi, oh, Charlie. Charlie. Oui, je suis un peu loin, alors c'est pas facile. Vous avez mis combien de temps à enregistrer votre album? Alors, en termes de durée, l'album a pris, si tu veux, il a pris, on va dire, 9 à 10 mois d'enregistrement. Mais on n'a pas passé 9 à 10 mois en studio, mais ça s'est étalé sur 9 à 10 mois. Tu vois, c'est un beau bébé, quoi. C'est un beau bébé. On a eu le temps, on a eu quand même une bonne opportunité, si tu veux, d'occupation de lieux, de studio et des musiciens excellents. Et du coup, on a eu un preneur de son aussi excellent, un jeune qui s'appelle Sylvain Morel, qui est sonorisateur preneur de son et qui a aussi une oreille très musicienne et avec qui on a bossé aussi sur de la création. C'était pas que du studio, si tu veux. C'était aussi une grande part créatrice, ce qui fait que ça a pris plus de temps, mais qu'en même temps, Résultat est meilleur, du coup. Le résultat est collectif, vachement plus vivant, plus créatif, et ça s'est passé comme ça, et ça a été vraiment, vraiment bien, quoi. C'est chouette, ça, quand même. Ouais, c'était bien, c'était une belle opportunité pour nous, c'est vrai. Ah, puis ça doit être une expérience assez sympa, quand même, avec des gars comme ça, de tous horizons, de faire quelque chose de commun, comme ça, ça doit être... Oui, ça, si tu veux, ça a participé et ça a renforcé l'idée kaléidoscopique du disque, tu vois, parce que vraiment c'est un disque qui a énormément de facettes, énormément, vraiment il y a de tout, il peut y avoir des morceaux swing, blues, très, très trio de jazz, tout à coup il peut y avoir un espèce de truc très Genesis des années 70, tu vois, véritablement, qui est notre jeunesse avec Olivier et à moi. Et oui les gars, on pourrait être vos parents, les gars, vous, quand même mon petit Charlie, faudrait pas oublier ça. Et donc tu vois, donc il y a eu plein d'influences différentes du fait de l'âge différent des gens, de leur culture différente, mais aussi des rencontres, comme tu dis, tout au fil de l'année dans le studio. Et comme on s'est laissé l'ouverture de se nourrir de ces rencontres, le disque il en a bénéficié, voilà, on n'a pas fermé la porte à ça. Ah bah c'est bon ça. Ah ça c'est bon mon petit gars. Je vais te dire. Ça c'est agréable quand tu peux faire quelque chose comme ça en musique, parce que... Ouais, autant ne pas laisser passer l'occasion, parce que je veux dire, faire un disque c'est quand même une entreprise costaud, surtout que c'est notre premier, c'est mon premier, c'est notre premier, Olivier et moi, et Bon, pour le premier, je tenais, que ce soit le premier ou le dernier, ou le premier d'une longue liste, je tenais à faire quand même un truc. Qu'il soit bien fait et tout, quoi. Bah oui, enfin, j'aime bien faire bien les choses, et je ne savais pas ce que ça voulait dire, bien faire un disque. Et bon, bah, j'ai vu que ça prenait des dimensions, beaucoup d'exigences et de présence, quoi. Mais en même temps, c'est assez personnel, quand même, je veux dire. Parce que vous êtes nombreux dessus, mais ça part quand même beaucoup de toi et apparemment d'Olivier aussi, donc... Ouais. Ouais. Ben les gens ont nourri notre monde, c'est-à-dire que si tu veux, quand je dis qu'on a ouvert les portes avec Olivier, c'est aussi qu'on a accepté de faire entrer des gens dans notre monde, mais en les laissant teinter ce monde à leur couleur à eux, tout en respectant quoi, voilà. Oui, sans changer complètement. Voilà. Sans altérer quoi. Et ils apportaient un plus quoi. Ben c'est la rencontre, les différences, la rencontre, voilà, c'est les rencontres. D'accord. Super. Ben ouais. C'est-à-dire que la rencontre avec le musicien nous a permis d'habiller un petit peu les chansons de manière différente de ce qu'on fait en spectacle tous les deux avec Michel, ouais. Où là, le visuel est quand même très important. Notre énergie est quand même dans ce CD, elle est là. Oui. Elle est là, on se retrouve tous les deux. Il n'y a pas de souci. C'était bien aussi d'avoir un batteur. D'avoir un bassiste, un guitariste. Ça apporte toujours quelque chose, ouais, musicalement, ça apporte toujours quelque chose de plus. Une énergie supplémentaire, peut-être. Oui. Si tu t'entends bien avec les musiciens, c'est bon, tu peux faire passer vraiment des sensations énormes. Plus t'es nombreux, donc c'est vrai que... Et puis ça a ouvert l'horizon que le duo originel, Olivier et moi, le duo piano-voix originel, qui a démarré quand même, il faut le dire, par un spectacle en duo, mis en scène juste pour un pianiste et un chanteur. Ouais. Ça reste, ça existe toujours. C'est un spectacle qu'on garde toujours, mais en même temps... Les musiciens nous ont amené la dimension concert sur scène, tu vois, concert de musique pop rock, balade, poétique. Tout le show qui va avec, quoi. Et on a envie aussi maintenant de développer le spectacle avec les musiciens, de ne pas s'en tenir à notre duo. C'est-à-dire que le duo, si tu veux, s'élargisse aux musiciens, qui restent l'ossature du spectacle, mise en scène, les chansons, mais que les musiciens nourrissent ça de leur présence et que du coup, ça fasse un concert musico-théâtral, une espèce de fable, quoi, tu vois, un peu moderne. Ah. Voilà. Donc dans quelques temps, à la Mooned, vous serez vous allez le produire sur scène, du coup. Oui, alors le 22 mars, samedi 22 mars, il y a les musiciens. Alors nous serons une formation de 4 sur scène. Il y aura donc un batteur, un bassiste, Olivier Nebout au piano, et donc moi-même au chant et à la guitare. Et alors le batteur et le bassiste ne seront pas, les musiciens du disque, mais enfin, tant mieux aussi, parce que c'est de nouvelles rencontres. De nouveaux horizons. Quoi. De nouveaux horizons. Le bassiste sera Denis Robardet, qui est un très très bon bassiste toulousain. Et le batteur, Alexandre Pic, voilà, qui est, je pense, aussi un très bon bassiste. Batteur, pardon. Peut-être qu'il joue de la basse. Mais... Voilà. Vous avez combien de concerts comme ça de prévus? Pour l'instant, on fait la sortie du CD. On a un concert, on va dire un pauvre concert qui pour l'instant est le 22 mars, mais je vais inviter un maximum de gens, de tourneurs, de responsables de salles, de subventionneurs. Je vais essayer d'inviter un maximum de gens le 22. Ce sera là de toute façon pour assurer. Bon, eh ben écoute, super déjà si vous êtes là. Après, effectivement, il faut qu'on vende cette formation, soit en duo, soit en quatuor. Mais de toute façon, voilà, l'objectif étant de vendre ce spectacle, de le tourner et d'en vivre. On reste quand même des artistes de scène. Et... Oui, il faut quand même manger après. Donc... Manger, puis surtout vivre. Ce qui nous nourrit, nous, c'est de faire ce métier sur scène. C'est pas tant de bouffer tous les jours, d'avoir un peu de sous pour bouffer. Ça nous nourrit. Mais la vraie nourriture du fond qui nous fait exister, c'est... La nourriture de l'âme. Ouais, c'est ça. Nourriture c'est spirituelle. La musique. Voilà, c'est la scène, quoi. Ça reste la scène. Donc, puisque tu parles de vendre ton spectacle, c'est une transition un peu grossière que je vais faire, mais vas-y. Est-ce qu'on peut le trouver, ton disque? Alors le disque, figure-toi que c'est une autoproduction, c'est une autoproduction, et donc je pense qu'on pourra, le trouver à la Fnac. C'est ça? Oui, à la Fnac, et on peut l'acheter. Alors on peut aller sur le site de l'association Monk, association.monk.free.fr. Ouais. Et là, on peut acheter le disque. Ah, de toute façon, nous mettra un lien sur Indiesis pour ça. Donc, ouais, super. Indiesis.com. Vas-y, I-N. INDESIS.com. Il fallait un petit jingle derrière. Donc. Bon, juste pour dire, pour la FNAC, on se permet de les citer. Bon, on fait de la pub gratuite parce qu'ils ne nous ont pas encore du tout donné leur feu vert ni aidé. Donc, on va y aller, on va aller les démarcher pour voir si c'est possible, mais rien n'est encore fait. Hein. Ça ouais, ce serait bien, ça dit. Ça ferait qu'il y aura un petit peu de CD de musique à la FNAC. Ouais, allez, Charlie, c'est facile. Oh non, franchement, c'est facile, Charlie. Il n'y a quand même pas grand-chose à la FNAC. Alors on... C'est pas Virgin, non c'est plus. Vrai. Ah, c'est pas Virgin, c'est ça. Voilà, quand même. En même temps, Virgin, il n'y a rien, donc comme ça. Mais c'est terrible. Ouais, tout trop même moi, j'ai rien trouvé. Ah là là. On va enfin trouver quelque chose de musical dans un magasin, quoi. C'est bon, ça. Non, mais écoute, merci, hein, super. Ah, ben, je t'en prie. Et par rapport au concert, quand même, vous serez pas alors, ce sera pas pour la Lala à Audi Sud ? Parce que vous serez à Audi Sud tous les deux. Ah ouais, alors Audi Sud, c'est encore autre chose. C'est séparé, c'est en septembre. C'est... Audi Sud, c'est vite fait, ce sera le 28 ou le 8 septembre, je sais plus. Ah, je vais te dire, c'est le... Tu sais 22 septembre. Ah, les 22, on aime bien les 22. À Audi Sud, c'est... en fait, c'est à l'occasion, Olivier est pianiste, le pianiste dans une chorale à Blagnac. Et voilà, et à ce titre, c'est les 100 ans de la chorale. Donc ce sera une énorme fête à Audi Sud qui aura lieu le 22 septembre. Qui sera organisé par Crescendo, le groupe vocal Crescendo de Blagnac. Mmh. Et donc, nous, à ce titre-là, en tant qu'amis et en tant qu'artiste-interprète avec Olivier, on y sera pour chanter certaines de nos chansons. Olivier accompagnera toute la soirée avec une formation musicale, avec des musiciens. Et voilà, donc ce sera une soirée un peu délire vocal pour fêter les 100 ans de cette chorale. Voilà. Soirée qui est sous l'égide c'est les chanteurs toulousains. Oui, voilà. C'est ça. Le thème de la soirée, c'est quand même de réunir les chanteurs locaux, régionaux. Il y aura notamment Géant, il y aura notamment Hervé Subiette, il y aura, je pense, Yvan Cugius, si je ne m'abuse, il y aura donc Michel Stenner, il y aura, je ne sais pas s'il y en aura d'autres et je ne sais plus lesquels, il y aura peut-être les Famous T. Voilà, enfin, d'autres gens, ce sera une grosse soirée professionnelle amateur. Voilà, un mélange de professionnels amateurs sur scène. Ça va être sympa, ça. Ouais, ça peut être sympa. Mmh. Voilà. Ça va être... C'est le genre de soirée, en général, qui donne lieu... Toujours pareil, il y a des rencontres, il y a des moments musicaux toujours intéressants, je trouve. Ouais, absolument. Parce que absolument. Ça mélange des mondes qui se connaissent pas forcément, parce que quand on est musicien amateur, et je sais de quoi je parle, on connaît pas forcément le monde professionnel au niveau musical. C'est vrai qu'on découvre toujours, on en apprend toujours, en plus. Donc... Ça doit être une bonne soirée, ça, qui se profile. Ah oh oui, puis on s'y prépare bien, tu vois, on crée des arrangements sur nos chansons que les choristes vont chanter, vont reprendre. Donc on partage, encore une fois, il y a une idée de partage véritable, tu vois. Voilà, les gens, les choristes amateurs vont s'approprier les chansons des uns et des autres et on va travailler ensemble, on va chanter ça ensemble. C'est encore une originalité, un projet original, je trouve. Ça va être bon. Ça va être bon. Olivier, quand je parlais de second degré tout à l'heure, tu disais que tu n'étais pas d'accord. J'ai trouvé un petit exemple. Ouais. C'est rien que sur un titre de chanson, c'est « Ma chanson n'est pas utile ». Ouais. C'est du second degré. Exact. C'est de l'amour, c'est du second degré quand même. Tu sais comment elle est née, cette chanson ?« Ma chanson n'est pas utile ». Elle est née, « Ma chanson n'est pas utile », en fait, on terminait une répétition avec Olivier, une bonne répétition de 3 ou 4 heures. On lâchait tout, on rangeait les trucs, tu sais, le piano était fermé, ça fumait encore dans la pièce, je veux dire, ça fumait d'une manière second degré. nous ne touchons pas à ce genre de choses, donc je n'ai rien contre, mais voilà. Donc, la pièce était encore fumante de créativité, de jubilation, d'extase, d'excitation. Oh, bon, on parle bien la même chose, alors. Ouais, voilà, ça conduit à la même chose, mais ça laisse pas les mêmes traces. Enfin, que sais-je. Non mais Charles a une autre habitude. Tu viens d'où, Charles ? Moi, je viens de nulle part. Il est marrant. Alors on finissait notre répète. Et puis, comme souvent en fin de répète, tu lâches des trucs parce que t'es crevé, t'es lâché, t'es content, et tu lâches des trucs, tu lâches des mélodies ou des petits riffs comme ça, ou des idées vocales, ou tu mets les mains sur le piano. Et puis, il y a une phrase qui est sortie, ma chanson n'est pas utile, un délire comme ça. Olivier a entendu ça, il s'est mis au piano, il a plaqué 3 accords, et on est resté un quart d'heure de plus. Et puis, en fait, la chanson est née, et le texte de la chanson, c'est ma chanson n'est pas utile. Voilà. Écoutons-la. Une chanson vachement spontanée, du coup. C'est... Ma chanson n'est pas utile. Pas utile. Pas utile. Pourquoi chanter ça. Pas utile. Non, non, non, non, non, non. Pas utile. Ma chanson n'est pas utile. Pas utile. Michel, Olivier, voilà. Charlotte, Tristan, Charles. Charles, Charlie. Michel, tu tiens pour clôturer l'heure? Oui, clôturer. Je veux juste adresser un remerciement particulier au studio Bulls Prod. Voilà, c'est le studio qui nous a accueillis sur Toulouse et qui nous a permis de vivre cette expérience d'enregistrement de CD pendant un an. Voilà, qui nous ont ouvert leurs portes, le studio Bulls Prod. Voilà, merci à eux, merci à Jean-Guy. Mais merci salut, Michel. Ils sont situés où à Toulouse? Comment? Ils sont situés où à Toulouse? Ils sont situés zone du chapitre du côté de Portée-sur-Garonne. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Si je peux me permettre. Permets-toi. Pour avoir eu l'honneur de pouvoir jouer avec Olivier et puis avec un peu avec toi aussi, Michel. Ouais. Je ne saurais trop que conseiller à nos auditeurs d'ailleurs de se rendre là-bas parce que. Ça va forcément être un bon show vu les musiciens qu'il y a. Mais tu as raison, non, Charles, super. Tu as raison. Ah non, mais... T'as raison, et puis je tiens à dire en toute humilité, en toute sincérité artistique que c'est un spectacle original, et que c'est un spectacle frais et c'est un spectacle original. Dans les temps actuels, c'est vraiment un spectacle original. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, je suis porté à le dire, parce que je le crois réellement. Voilà. Écoute, avec toute ma sincérité... Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est du second degré là ou pas? Non, non, c'est du premier degré pur. Sinon, ben je vous aurais pas merci. Je trouve vraiment pas cool sur le coup. Non, mais il y a eu un gros débat tout au long de l'émission sur le second degré, c'est pour ça. Oui, ouais. Mais d'accord, mais c'était pas une raison pour démolir la belle phrase que vient de faire Landry. T'as raté toute la moitié de l'émission, on a fait n'importe quoi. Oui, j'étais. Excuse-moi, j'ai. Oui, t'étais, oui. Tu pourrais monter une émission, Charlie, elle s'appellerait T'as raté tout. N'importe quoi, la fin de l'émission, toujours. Bon. Ah, toujours. Allez, on se quitte. On va se quitte alors, c'est à là. À bientôt. On va laisser la place à la Grèce en musique. Merci, à bientôt. Eh bien, yassous. La bise à tous et au 22 mars. Calimera. Non, Calispera. Calispera. Calimera, ouais. Le début d'une de vos chansons pour finir. Ouais, le début d'une de nos chansons pour finir. Ouais. Super. C'est une ambiance de fin. Pour faire ambiance de fin, pour faire fade. Fade. Voilà. Fade out. Allez, Dalai Lama, là, on va dire la 12, et puis si c'est pas la 12, elle sera bien quand même. Exactement. Thank you. toi. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Je prie pour ce tout, pour ce tout petit, ce tout petit. Petit bout d'amour, mon lama.